allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Liberté numérique. Société de l'information. 15 jours sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur 2. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtrage, ni censure. Nous voulons net, notre libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Donc voilà, bienvenue pour cette 40e édition de Random. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et on va parler plein de choses. Donc ce soir, nous en avons un invité, donc je te laisse te présenter. Bonsoir. Bien, je suis Célix. Bonsoir Célix. Bonsoir. Et comment ça va Célix? Bon, c'est fini. Voilà, donc il y a DB également. Bonsoir DB. Bonsoir. Et Man Martian à la technique. Voilà, bonsoir. Et j'avais une blague à faire, je peux? Vas-y. Et attends, c'est comment attends, le truc d'Indochine là et tout. Et soudain, surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Martigan contre tous chacal. L'aventurier contre tout guerrier. Mais normalement, je voulais le faire en chantant et tout. Et voilà. Bah ouais, t'as presque chanté, ça va. Ouais, mais bref, c'était un peu nul comme effet. Faudra que je la refasse. Voilà. Un jour. Pouf. Bon alors, on a beaucoup de trucs à faire parce que j'ai ajouté à peu près 800 liens comme truc et que forcément j'en ai pas lu ne serait-ce que le quart, donc voilà. C'est comme ça, c'est cool. Et qu'en plus on a un vrai sujet, donc on pourra pas déborder, il ne faudra pas déborder. Non, il ne faudra pas déborder. Je oui, me fais parce garant que... de ton temps de parole, Célix. Tout à fait. Et confiance en voilà. Moi. Oui, parce que du coup on va avoir un sujet technique dans Random. C'est incroyable, c'est juste waouh, ça doit faire un an qu'on l'a pas fait. Pas un peu technique, hein. Ouais, enfin, vas-y, c'est un peu technique comparé à d'habitude. Bon, ça sera quand même technique un peu, quand même. Un petit peu. Bon. Un petit peu. Bref, alors dans les actualités, du coup, forcément, on va avoir plein d'actualités. Pouf. Ouais, on va peut-être parler un tout petit peu de la mairie de Lille, mais comme j'ai pas forcément bien vu, puis que je suis pas allé voir ce qu'ils ont mis. Voilà. L'actualité du logiciel libre, on va parler du noyau Linux. Puisque bon bah voilà, Linus Torvald a décidé que ben voilà, le noyau Linux 2.6.40 s'appellera 2.8. 3.0. Donc, 3.0. Je dis une connerie? Non, je crois c'est 2.8 en fait. Hein. Ah non, 3.0. Non, c'est 3.0. Au début, putain. J'avais hésité, ouais, et voilà, il a tranché, ça. C'est 3.0. C'est ça le truc, en fait, c'est que j'ai mis tous les liens dans l'ordre chronologique et que du coup, forcément, voilà. On parlera un petit peu de Skype. Qui s'est un peu retrouvé à poil, mais comme c'est pas le seul sur la période des deux semaines précédentes, voilà. Pouf, on parlera un petit peu d'IPv6 et puis de HTC pour le fun. Dans l'actualité du milieu hacker, on fera un tour un petit peu des hackerspace, on parlera un petit peu de l'Electrolab, du Theta Lab Hackerspace Factory, on parlera du Wolfplex, le hackerspace de Charleroi. Putain, mais c'est abusé, quoi. Abusé. Et on parlera également du Void Warranties d'Anvers, en Belgique. Puisque ben, le Wolfplex et le Void Warranties organisent ben, des conférences qui vont tomber ce mois-ci et le mois prochain. Dans notre rubrique censure, filtrage d'Internet et neutralité des réseaux, on parlera rapidement, enfin pas plus que rapidement, mais il y a pas mal de choses qui se bougent un petit peu sur ce sujet-là, notamment un rapport de l'ONU qui fustige la loi Hadopi et le filtrage. L'ancien dictateur, enfin chef d'État égyptien qui a été condamné pour avoir coupé l'accès à Internet, la Syrie qui coupe l'accès à Internet également. Pouf. Dans notre rubrique, notre culture c'est la vôtre, on parlera de l'ACTA, et de la DOPI, comme un peu comme d'habitude. On parlera également d'open data, on en avait déjà parlé dans Random, mais là on a quelques infos qui tombent sur ces sujets-là, donc ça fait assez plaisir. Dans notre rubrique Le Joyeux Monde de l'InfoSec, comme c'est un petit peu la période, je sais pas pourquoi, mais ça doit être le printemps, tout ça, l'été, tout. Donc du coup, plein d'entreprises qui se font pirater, et puis on voit bien un petit peu leur truc et on rigole bien. Donc dans Le Joyeux Monde de l'InfoSec, on parlera un petit peu de LinkedIn et de Facebook, comme ça pour le fun. Dans notre rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance, on reparlera du G8 et de l'IG8, qui est quand même le gros truc machin, pour lequel j'ai lu pas mal de choses, mais je me souviens pas et j'ai rien documenté, donc voilà. On parlera du Patriot Act, l'un des textes de loi vraiment emblématiques de la période Bush. On pensait en avoir fini tout ça, et en fait, rien du tout. Obama, qui avait promis à fermer Guantanamo, a laissé ouvert Guantanamo, et qui avait promis d'arrêter de faire chier sur les libertés numériques, il continue, le Patriot Act est renouvelé pour 4 ans. Et puis dans la même veine, on a l'US Protect IP Act qui a été voté, donc une loi anti-piratage, truc. On parlera également de Twitter qui balance le nom de ses abonnés pour raisons légales. On parlera de l'espèce de micro-scandale qui a secoué le monde des médias français à propos du CSA contre Facebook et Twitter. Et puis voilà. Et puis on parlera de PBS également qui s'est fait pirater suite à la diffusion d'un documentaire anti-Wikileaks. Ça nous permettra de parler un petit peu de l'ULSEC, un groupe de sécurité assez rigolo qui fait pas mal parler de lui depuis un mois. On parlera de la CNIL un petit peu et de son avis sur la vidéosurveillance dans les lycées. Également, on avait parlé d'IDNUM à l'époque de NKM, donc Nathalie Kosciusko-Morizet, quand elle était secrétaire d'État à l'économie numérique. Bon, ben voilà, il y a eu quelques avancées là-dessus, comme ça. On aura un dossier, après les actualités, on aura un dossier sur le OneWire, présenté par notre éminent électronicien. OneWire et OWFS en général, en particulier. Donc OWFS. Ouais. D'accord. Ça veut dire quoi déjà ? OneWire File System. Ah, yeah. Et j'en parlerai tout à l'heure. D'accord, c'est cool. Et à la fin, on aura un agenda. On aura un agenda qui sera... Très court. Voilà, je le dis tout de suite que, en fait, vendredi 10 juin, à partir de 18h, il y aura une soirée punk à la Gare Saint-Sauveur avec des concerts de Parabellum, putain. Parabellum, Toxic Waste et Burning Heads, et puis d'autres groupes locaux, mais Parabellum, les mecs. En concert gratuit à Lille, à la Gare Saint-Sauveur. Voilà. Sur ce, on va commencer rapidement par l'actualité. Au niveau de l'actualité locale, il y a un truc qu'il faut dire en fait, c'est que bon, à part le fait qu'on a un super nouveau hall et qui a été à Radio Campus et qu'il y a eu des échos dans la presse là-dessus, j'ai halluciné, ouais, c'est cool. L'apéro méchoui barbecue, mais surtout apéro de Radio Campus, ça sera donc samedi 25. Nous on y sera et vous, est-ce que vous y serez? La mairie de Lille vient de balancer ces nouveaux trucs sur le numérique machin, c'est des choses dont on avait déjà parlé dans Random. Il y a cette histoire des tablettes tactiles Microsoft. Il y a aussi toutes ces histoires d'ubiquité nomade, machin, truc, 2.0 hype. et puis voilà. Et puis une application pour la mairie, une application pour avoir accès aux informations importantes de la mairie via un truc iPhone, machin, truc, bidule. Alors pour l'instant, c'est juste sur l'Android Market, donc c'est pour les Android, donc ouais. L'OS de Google. Et la mi-juin, ce sera disponible sur l'App Store. D'accord. Donc voilà quoi, je pense que plus d'infos quand on aura un petit peu regardé ce truc là. Je suis pas encore allé voir les bornes d'accès numérique, mais vu qu'on avait eu accès aux documentations, je pense qu'on va pas s'attendre à quelque chose d'autre chose que rigolo. Ubiquité nomade, rappelez-vous, c'est le terme qu'il faut utiliser. Dans l'actualité du logiciel libre. Le noyau Linux 2.6.40 s'appellera Linux 2.3. 3.0. C'est facile. Ouais. Non, mais Linux, alors pourquoi tous ces changements? En fait, il n'y a pas de changement majeur qui motive ce changement. C'est plus un choix politique qui a fait ce changement. C'est que en fait, ça devient compliqué. Il y a beaucoup, on arrive à 2.6.39 Ouais. Donc ça fait beaucoup. Et c'est un noyau. Enfin, la branche 2-6 ne veut plus rien dire, en fait. Parce qu'entre un 2-6-0 et un 2-6-39, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Donc il était temps, en fait, comme c'est un noyau qui, de toute façon, maintenant a une, un développement assez progressif. Ouais. C'est-à-dire il ne casse pas l'ancienne version, hein, ça reste assez. Ça avance petit à petit. Donc en fait, si on continue comme ça, on aurait pu arriver à 2-6.168. Donc en fait, voilà, il a tranché, on repart un petit peu à zéro. Puis ça marque aussi la troisième décennie du noyau. Donc voilà, donc ça c'est plus, je pense, pour la petite excuse. Ouais. Mais bon, voilà quoi, fallait. Il y avait une volonté aussi de simplifier les numéros parce que 2-6. Avec toutes les release candidates, voilà. Tout le schéma de nommage en fait, correspondant au cycle de développement du noyau. Donc voilà, plus un choix pratique et politique que technique. Ouais, ceci dit, ça me fait quand même penser à Slackware, à l'époque où la personne qui s'occupait de la vénérable distribution Slackware Linux était passée de Slackware 3 à Slackware 7, juste simplement parce que Red Hat à côté il s'appelait Red Hat 7 et qu'il avait l'impression que les utilisateurs. Voilà, il voulait pas prendre la Slackware 3 parce que tu comprends, c'est un 3 mieux. À côté, il y a un 7, alors du coup c'est beaucoup mieux. Enfin, ça m'a fait penser à ça en fait. Un petit peu les trucs. Donc du coup, au départ, il voulait l'appeler 2.8 et puis au final, il s'appellera 3.0. Donc bon, c'est cool. Et dans les nouveautés qu'il y aura dedans, il y aura notamment un support complet pour Xen. Qui a été annoncé, donc ça c'est plutôt cool pour de la virtualisation qui soit un peu moins merdique que la virtualisation sous Linux qu'on connaît. Enfin bref. Tu connais bien le sujet. Ouais, surtout, je connais vachement bien VMware en ce moment. Et ça fait un peu chier d'ailleurs. Fermons le troll, on n'a pas le temps. Ouais, non, on n'a pas le temps aujourd'hui. Sinon, HP, donc Hewlett-Packard, est encore une fois, enfin, il y a eu encore une condamnation pour pratique déloyale. Donc, c'est la fameuse taxe Google, la taxe Microsoft. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète un ordinateur, il y a un Microsoft Windows dedans. Ce qui est une pratique parfaitement illégale, contre laquelle absolument personne en France n'a eu pour l'instant le courage politique pour gueuler. Il y a des associations, notamment la FUL, qui est extrêmement en pointe sur ce sujet depuis des années et des années. Et là, il y a encore une condamnation, et du coup, en fait, ça repose la question, quand est-ce que le gouvernement va enfin mettre un terme à cette pratique illégale de vente liée de logiciels dans un ordinateur. Sachant que le 5 mai dernier, il y a une décision de justice qui a dit que c'était ça floutait en fait le consommateur de ne pas mettre les prix des logiciels. Donc, notamment Hewlett-Packard, maintenant, elle te sera obligée d'afficher les prix des logiciels inclus dans l'ordinateur. Donc, pour l'instant, on est juste sur un affichage des prix et pas la proposition d'une alternative. Non, mais on n'est pas encore là. Sachant qu'en plus, même l'affichage des prix, je me souviens que Darty avait été condamné et pourtant tout le monde s'en fout. Darty avait été condamné, c'était quand ? Il y a un an ou deux ? Et ça n'a rien changé. Le prix réel du Windows dans le prix final d'achat de l'ordinateur, sachant qu'on achète l'ordinateur et le Windows dedans, les deux prix sont jamais dissociés, donc on sait jamais combien Microsoft gagne sur chaque vente, quoi. Sinon Skype, on avait parlé un petit peu de Skype, donc Skype c'est cet horrible logiciel qui sert à faire de la téléphonie par internet, un logiciel pas libre, un logiciel complètement fermé, un logiciel à la cryptographie qui avait déjà été, enfin c'était ça a toujours été son fond de commerce, la cryptographie machin, la cryptographie truc, sauf que dans un logiciel fermé dont personne connaît le fonctionnement et dont personne ne peut évaluer la qualité et la robustesse en termes de sécurité, Skype s'était déjà fait poney sa cryptographie, c'est tout le protocole qui a été rétro-ingénieré, reverse engineering, et qui est donc a donc été complètement exposé et publié. Ce qui veut dire qu'il va commencer à y avoir du Skype open source, à savoir des gens qui commencent déjà à développer une alternative, enfin une partie open, enfin un client Skype open source. Bon, dans quelques années, on fera peut-être avoir une partie Skype dans Pidgin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est à ça que ça me fait. C'est pour ça que ça me fait rigoler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au lieu de développer une alternative intéressante à Skype, qui soit entièrement libre et qui soit sécurisée, etc. Ben non, on va perdre du temps de développement à intégrer Skype dans des logiciels libres déjà existants. Voilà quoi. C'est un peu nul. Sur le côté anecdotique, un petit peu des choses aussi, on a la sortie de Mageia 1.0. Mageia, c'est donc le fork communautaire de Mandriva. Mandriva qui n'en finit pas de mourir. Et, qui ne veut pas mourir. Non, mais si, là, ils sont encore, ils sont encore super mal barrés. Enfin, ils continuent à être mal barrés. Et en même temps, ben, voilà, la communauté a sorti une distribution Linux complètement communautaire qui s'appelle Mageia. Et bon, ben voilà, quoi. En bref, également, SFR propose l'IPv6 sur les 9 box, enfin, ou va proposer l'IPv6 sur les 9 box. C'est intéressant parce qu'il y a un firmware libre pour la 9 box. Donc, bah voilà, ça veut dire que déploiement d'IPv6 va commencer à se faire après les timides tentatives de Free qui donnent de l'IPv6 mais pas du vrai IPv6. Bon, bah là, il y a peut-être un petit peu moyen qu'on commence à avoir des technologies comme ça qui sont intéressantes et qui interviennent un petit peu dans les pratiques, on va dire, grand public. Ouais, alors par contre, moi, ce que j'ai lu, c'était pas très très clair. Ça laissait sous-entendre en fait que c'était juste pour l'IPv6 Jump Day. Donc juste pour le 8 juin prochain, où le monde entier va passer à l'IPv6 pour une journée, pour tester. Et moi j'ai compris que c'était à l'occasion de cette journée et que ça allait pas forcément rester. C'était en test. C'est en test, en fait. Donc ça sera la fonctionnalité sera bien dans le firmware. Ouais, la fonctionnalité sera dans le firmware. Mais, donc après est-ce que ça va rester, à voir est-ce que le test va être concluant ou pas. Est-ce que, voilà. Est-ce que, voilà, au moins ils essayent, quoi. Au moins ils essayent de faire du vrai IPv6... bon, voilà. Enfin, ceci dit, si c'est des PV6 chez SFR avec une neutralité du net, enfin voilà quoi. Ça rattrape pas. C'est pas une initiative qui va rattraper les pratiques dégueulasses de ce fournisseur d'accès à internet. Décidément ce soir. Ouais. C'est pas le but. C'est pas le but. Non, mais le voilà. But, c'est juste qu'il n'y a plus d'IPv4, donc faut s'y mettre. Donc sinon HTC, donc le HTC, donc le constructeur de téléphone qui fonctionne avec Android, donc le bidule de Google. Donc HTC va arrêter de verrouiller son chargeur de démarrage, c'est-à-dire qu'on pourra démarrer plus ou moins ce qu'on veut sur le téléphone. Ouais. Et apparemment, en fait, ils ont pris cette décision parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup de demandes des utilisateurs. Qui demandait justement à pouvoir toucher à ça, à cette fonctionnalité, sans faire les bidouilles qu'on était obligé de faire auparavant, quoi. Et ceci dit, au passage, HTC, c'est quand même pas exactement un petit minus, une demi-portion au sein du milieu des mobiles. Ça commence à devenir vraiment un presque un poids lourd, je dirais, même ouais, maintenant. C'est clair. Et sur les smartphones, tout à fait. Ouais. Donc voir cet exemple-là, bon, ben, ça donnera peut-être à réfléchir à d'autres opérateurs. Enfin, on peut rêver d'Apple, on peut rêver de Sony, on peut rêver de... Surtout que dans certains pays, notamment aux États-Unis, maintenant, jailbreaker, c'est légalisé. Donc, voilà, donc bon, ça a plus d'intérêt. Sans transition, parce qu'il est quand même 19h20, on va parler un petit peu rapidement de l'actualité du milieu hacker. Il y a une nouvelle qui m'a fait énormément de plaisir quand j'ai lu ça sur le blog de l'Electrolab. Donc l'Electrolab, c'est le hackerspace de Nanterre. On n'a pas beaucoup beaucoup parlé de l'Electrolab ces derniers temps, mais faut que les gens big up à l'Electrolab. Et puis si jamais les gens ils veulent intervenir par téléphone ou en direct dans Random. Il faut surtout pas qu'ils hésitent. Enfin voilà, les travaux de l'Electrolab sont terminés et donc le Hackerspace est donc officiellement ouvert. C'est un post sur le blog de l'Electrolab, donc www.electrolab.fr, en date du 17 mai dernier. Donc il y a quand même 3 semaines. Mais les travaux sont terminés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur ils ont tout refait. Il y a un coin cuisine, c'est vraiment super bien fait. Et les travaux qui avaient été entamés à l'automne dernier, qui finissent maintenant, c'est vraiment. J'ai été vraiment bluffé par les photos. J'espère pouvoir aller visiter l'Electrolab, un de ces quatre, pourquoi pas cet été. Du côté de Toulouse, on a également le Theta Lab, donc le hackerspace toulousain qui avait fait son hackerspace factory, je crois que c'était le week-end dernier. Il y a eu une couverture presse assez intéressante chez Oni.fr. Donc voilà, qui présentait un petit peu le Theta Lab et qui présentait un petit peu la démarche Hackerspace entre maîtrise des nouvelles technologies et pratiques artistiques. Donc un petit peu ce mélange-là justement entre des hackers et des artistes, et montrer que les limites sont pas forcément floues. Les limites assez floues quoi. Sinon, et ça m'a fait également vraiment beaucoup plaisir quand je l'ai vu, nos amis du Wolfplex, le hackerspace de Charleroi en Belgique, organisent leur week-end d'inauguration. Ça sera du vendredi 24 au dimanche 26 juin, donc dans 3 semaines. Et y a un appel à conférence, il y aura également une exposition artistique, il y aura plusieurs conférences qui vont se passer, et il y a un appel à conférence, donc si vous voulez y aller, vous pouvez simplement contacter les gens du Wolfplex, donc www.wolfplex.org, wolfplex.org. Et puis toujours en Belgique, à Anvers, donc du côté flamand par contre, il y aura donc le VoidCon 2011, donc Hackerspace Void Warranties à Anvers. Ça sera le samedi 16 juillet, et il y a un appel à conférence également en français et en anglais qui a été publié. Donc ça fait quand même plusieurs Hackerspace. Il y a vraiment de l'actualité toutes les semaines depuis un an. Ça fait chaque fois qu'on fait random, on en parle, et on voit que le mouvement hacker, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, propose de l'actualité toutes les semaines depuis tout ce temps-là, quoi. En parlant de proposer, je propose une petite pause musicale. Je t'en prie. On revient tout de suite après. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM. À tout de suite, c'est Random. Thank you. Et voilà, des retours dans le studio, comme on sait le faire. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM, c'est Random, numéro 40. Et vous venez d'entendre Harpanote, et c'est Eric Skiff qui fait ça. Et oui, il se kiffe. Eric Skiff. Eric Schmidt, il Schmidt aussi. Peut-être, ouais, je ne connais pas personne. Bref, dans la catégorie, enfin la catégorie, la rubrique censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux. Alors, quelques news un peu en vrac, parce que franchement, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Première chose, le Parti Socialiste Belge veut inscrire la neutralité du net dans la Constitution. Quand on sait un petit peu le marasme politique dans lequel est plongé le royaume belge en ce moment, bon, ça peut prêter à sourire. N'empêche que ça veut dire qu'il commence à y avoir une prise de conscience un petit peu des enjeux du numérique. Un peu partout dans le monde, on sait que le Chili a inscrit la neutralité du net dans sa constitution, on sait que l'Islande aussi a fait un pas là-dessus. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de la Pologne super rapidement, mais voilà. On voit quand même qu'il y a des pays dans lesquels ça bouge et que c'est pas forcément ce qu'on appelle les pays du G8, quoi. C'est même plutôt des pays, bon, certes développés, mais pas forcément les 5, 10 ou 20 premières puissances mondiales. Et justement, ce sont des puissances qui prennent une avance assez incroyable. Parce que si jamais ça se passe en Belgique, et ben la Belgique deviendra un pays intéressant en termes de réseau, et donc du coup d'autoroute de l'information, et du coup tout est plus simple après, une fois qu'on a ce type de règles. Donc voilà. Rapidement également, on voit un petit peu aussi, on va reparler du G8 après, mais rapidement, on voit un petit peu quand on voit les propos d'Eric Woerth. Donc Eric Woerth, on ne présente plus, hein, c'est l'affaire. Monsieur L'Oréal. Monsieur L'Oréal, tout à fait, qui dénonce le nombre colossal de détraqués sur Internet. Ah bah oui, forcément, c'est un homme politique qui en a pris plein la gueule quand on a appris un petit peu les conneries surtout les affaires dans lesquelles il était impliqué. Donc forcément, bah, il a un ressenti contre tous les gens qui osent dire ce qu'ils pensent et pas simplement regarder la télé et rester spectateur du monde en mouvement. Donc voilà un petit peu le genre de gens qui nous sort des lois, machin. Dans le genre aussi qui nous sort des lois rigolotes, on se souvient d'Éric Besson. Donc Éric Besson, c'était celui qui avait fait son one-man show l'été dernier, il y a un an, avec toutes les rafles de sans-papiers, tout le discours de et toute la politique raciste et xénophobe sur les étrangères et les étrangers en situation irrégulière, notamment les Roms. Éric Besson, qui est devenu, après avoir été ministre de l'immigration et de l'identité nationale, il est devenu ministre de l'industrie et des affaires numériques. Donc c'est le ministre de l'Internet. Puis avant, il avait fait taxi aussi. Non, c'est pas le même. Ah, pardon. Non, c'est pas lui. C'est pas le même Besson, en fait. C'est pas le même Besson. Il était invité dans une émission à la con à Canal+, et puis on lui a demandé c'était quoi le I, enfin le E, qu'on prononce I en anglais, de IG8, et il savait pas dire si c'est le même I que email, etc. Il était pas capable de dire que c'était le I électronique. On voit un petit peu le genre d'incompétence crasse auquel on a affaire. Pour la petite histoire, derrière, en fait, Canal+, enfin la vidéo a été, c'est une vidéo de 47 secondes qui a été postée sur YouTube. Canal+ a demandé à YouTube de le retirer au vu des droits d'auteur. Derrière, Éric Besson, qui a été quand même assez beau joueur sur ce coup-là, a demandé à ce que Canal+ demande à ce que la vidéo soit remise en ligne. Et Canal+ a cru que c'était un fake, que c'était pas le vrai Éric Besson. Ça se passait sur Twitter. Comme quoi, vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, la politique en France, et notamment la gestion des affaires numériques. Un peu moins anecdotique, mais on a quand même M. Moubarak qui a été condamné pour avoir suspendu l'accès à Internet en janvier, donc pendant le printemps égyptien. On se souvient qu'il y avait eu une grosse coupure, ce qu'on appelle maintenant le kill switch égyptien, qui est devenu une espèce d'exemple de et un cas d'école de comment on coupe l'accès à Internet à tout un pays et de comment on s'en défend. On se souvient qu'il y avait des associations et des organisations internationales. Il y avait eu FDN en France, il y avait eu Télécomics un peu partout dans le monde, qui avait mis en place des ponts radio pour avoir accès à Internet par onde radio et puis également des accès bas débit, etc. Voilà, il a été condamné, à plusieurs millions de dollars, donc de dommages d'intérêt, je pense. Ouais, dommages d'intérêt à la nation et à la. C'est plus. Moi, je vois plus ça comme une espèce de crime contre la démocratie, au final. Si on peut imaginer qu'il y a un crime contre l'humanité, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un crime contre la démocratie? Je sais pas, je vois ça comme ça, en fait. Et sinon, ouais, il y a aussi pas mal de choses qui se bougent du côté de l'ARJEL. Donc l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui est une autorité qui a le droit de couper l'accès, enfin de faire censurer l'accès à Internet par les fournisseurs d'accès français. Qui a fait couper plusieurs, enfin qui a demandé à ce que plusieurs sites web soient coupés via une décision de justice à chaque fois. Des décisions de justice en référé, mais bon, voilà. Et en fait, on se rend compte que ces blocages fonctionnent difficilement parce que derrière, les sites web changent d'adresse IP ou ils changent de nom de domaine. Simplement, ils changent de nom ou bien ils se délocalisent ou bien ceci ou bien cela. Et donc, on voit que le filtrage et la censure des réseaux de communication, notamment d'Internet, c'est compliqué et c'est pas forcément efficace. Donc, c'est pas forcément une bonne solution. Donc voilà, RapidShare et FileServe sont bannis en Turquie. Et puis le Frédéric Lefebvre, qui était un des fervents supporters de la loi Hadopi et de la censure d'Internet gouvernementale de la loi Hadopi, a relancé l'idée du blocage de sites via la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Et ça a été voté. La DGCCRF peut faire également maintenant bloquer des sites internet en France. Quand on vous explique qu'il y a de la censure, qu'il y a tout un plan pour la limitation au maximum des libertés numériques en France, il y a divers outils. On a l'ARJEL, on a l'OPSI, on a maintenant la DGCCRF qui peuvent interdire l'accès à un site web comme ça pour le fun et le tout dans des circonstances assez floues à chaque fois. Il y a un rapport de l'ONU, ça a fait le tour un peu du monde et ça tape un petit peu sur le truc. C'est toujours les suites en fait du G8 où tout le monde se demande un peu ce que veut faire Sarkozy et tout le monde découvre dans le monde entier ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy à Internet à l'heure actuelle et quelle est l'idée du président français sur ce que doit ou ne doit pas être le réseau de communication Internet. Il y a un rapport de l'ONU qui explique que la loi Hadopi et la censure gouvernementale type l'OPSI, donc le filtrage, la censure de sites web, c'est quand même pas super cool du point de vue des libertés individuelles. Et ça a été repris un petit peu partout, Et sinon, l'accès à Internet, alors même méthode, même combat et même punition pour la Syrie. Il y a eu une coupure d'accès totale d'Internet en Syrie. Apparemment, c'est revenu. Ça concernait la journée d'hier, il me semble qu'aujourd'hui c'est revenu. On voit bien que le printemps arabe en fait pose des tas de problèmes aux régimes dictatoriaux. Et c'est compliqué de couper Internet parce que derrière les associations les mêmes, FDN en France et Télécomics un peu partout dans le monde et d'autres organisations qui ont déjà testé leur procédure et tout en cas de coupure d'internet à l'échelle d'un pays, ça a été réactivé tout de suite et du coup il y avait quand même internet en Syrie grâce à des militants et des militantes basés dans d'autres pays, notamment en France. Donc c'est ce qu'on peut dire un petit peu sur tout ça, sur le côté censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux. Et comme on a un dossier, je vais pas pouvoir aller plus loin alors que j'ai encore plein de trucs à dire. Donc je pense qu'on va passer au dossier vite fait. Sinon t'auras plus le temps de parler et tu vas m'en vouloir. Je tiens à dire que j'ai actuellement un fusil braqué sur la tempe. Je crains pour ma... Non ? Non. Ah, stupéflip, les mecs. Bon, donc, dossier. Alors, je vais parler du OneWire en général et WFS, qui est un projet libre. Alors, je... On me dit de parler dans le micro. Ok. J'ai utilisé ce protocole, qui est un protocole de bus, pour certains de mes bidouillages, et comme j'ai eu plein de questions, j'ai décidé d'en parler ici pour faire un sujet technique. À propos, Random a bien besoin que des gens viennent faire des sujets techniques, ou alors d'envoyer des idées de sujets techniques à la mail list de la radio. lil@dg-c.org. Je pense que c'est le plus simple, en fait. Merci. Donc, le OneWire, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un bus inventé par Dallas. Dallas, l'inventeur des... Là. Dallas avec deux L. Inventeur des clés iButton. Vous savez, les trucs qui ressemblent à une pile sur un morceau de plastique, là, des petits boutons, là. En fait, derrière, c'est un petit composant qui est un DS2401, serial number. Et ça communique en, sur le réseau OneWire. Alors, ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait, c'est un vrai protocole de bus. Et il y a moyen de s'en servir pour faire des choses un peu plus intéressantes que des que juste une identification sur un appareil quelconque. Dallas a été racheté par Maxime. Oui, bon, ça va, quoi. Vas-y, continue. Il me déstabilise. Ça fonctionne avec un identifiant unique sur 64 bits, donc 8 bits de type, je vais en parler tout à l'heure, ensuite 48 bits et 8 bits de CRC. Donc en fait, il y a 48 bits qui sont incrémentés à chaque fois qu'il y en a un qui est fabriqué. Alors, un bus, mais pourquoi faire ? Par exemple, lorsqu'on fait un appareil quelconque, un truc, un machin, un capteur température, ce serait tellement simple de faire, voilà, je fais un thermomètre, je mets un port série sur mon Linux, voilà, et puis ça marche. Bon, par contre... Au bout d'un moment, il faudrait 80 ports série sur la machine, donc c'est pas trop une solution, surtout que un port série, s'il y a deux programmes à accéder en même temps, c'est un peu la galère. Donc, ça, c'est la solution, c'est d'utiliser un bus qui peut servir à plusieurs choses, et en plus, ça limite le câblage. Donc, comment ça marche ? Topologie, c'est un bus, c'est-à-dire, il y a deux fils, en fait, c'est du OneWire, mais un fil de masse, il compte pas. L'autre, c'est le fil important. C'est un bus avec un seul maître, ça permet d'éviter les problèmes de collision. C'est le maître qui fait tu parles, enfin il parle à A, puis il parle à B, il parle à C, et puis ça répond à chaque fois, et puis les devices, hein, les slaves, ne se parlent pas entre eux. Ils peuvent cependant, lorsqu'on met une clé d'identification, ils envoient une puce de présence qui fait que le maître sait qu'il s'est passé un truc sur le bus et réagir instantanément. Pour vous ouvrir la porte, ou vous donner une canette de coca, ou autre chose. Ça fonctionne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un fil de données et un fil de masse, mais le fil de données, en fait, étant donné qu'il est tout seul, sur le mètre, il y a une résistance de pull-up sur le 5 volts, ce qui permet d'alimenter les périphériques. Vous n'avez pas de pile dans votre clé button. La transmission se fait par une mise à la masse, hein, par le mètre ou par le slave, alternativement. Ça fait une mise à la masse courte pour envoyer un 1, une mise à la masse longue pour envoyer un 0, et le résultat, ça reste à haute impédance et ça s'alimente en alimentation parasite via une diode et un condensateur à l'intérieur du chip. Ce qui fait que ça stocke de l'énergie pendant que les bits sont transmis. Alors, quelques exemples, j'ai déjà donné le DS2401 qui est le serial number qui était dans la clé qui me permettait de faire des jeux laser par exemple. Mais il y a des DS2408 qui sont une puce qui fait 8 IO, DS2413 pour 2 IO. Le DS2423 qui est difficile à s'approvisionner, qui est très utile, pourtant c'est un compteur. Dedans il y a un peu de RAM, on rentre un interrupteur et dedans il y a un compteur et on vient lui chercher la valeur du compteur périodiquement, par exemple pour faire des graphes, ça permet de monitorer son compteur d'eau. Par exemple. Ensuite il y a les DS18S20 pour faire des thermomètres. Ça ils sont super pratiques parce que bon c'est juste un truc au boîtier transistor, on branche on branche deux fils sur ce bus, on en met plein, et puis voilà, on se prend pas la tête, ils sont tous adressés individuellement, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de les confondre après. Donc ça, c'est un avantage par rapport aux autres bus du genre Batibus ou Cannes, où il faut commencer à avoir un microcontrôleur, un machin, 50 chips, une alimentation, et puis faire un circuit imprimé à chaque fois pour le moindre petit machin, là, pour des fonctions simples du style monitorer un compteur d'eau ou mettre des thermomètres, il n'y a rien à faire, quoi, c'est juste des fils à souder. Alors, comment l'utiliser? On a tous ces devices sur le bus, sur ces deux fils. Mais il manque le maître encore. Alors le maître, ça peut être un simple microcontrôleur. La doc est assez explicite sur comment ça marche. Alors soit on le fait en bitbanging, soit il y a des composants spécifiques pour faire des passerelles I2C vers OneWire. Si on utilise un PC ou assimilé, il y a plein de montages possibles, soit le bitbanging sur le port parallèle, alors ça c'est tout pourri parce que si on n'utilise pas un OS en réel, c'est dur de faire quelque chose de stable. Sur un port série, ça va déjà beaucoup mieux, et encore mieux, c'est d'utiliser un circuit qui a été fait pour ça, c'est le DS9490, qui lui, il rentre en USB, il sort en OneWire. Et en plus, il est optimisé pour avoir des temps de montée, de descente qui sont bien, sans ESD, et sans parasites dus aux réflexions des câbles. Il est vraiment fait pour ça. Je t'interromps juste, tous les circuits que tu donnes depuis tout à l'heure, on les trouve où, comment? Alors, on les trouve soit chez Maxime, soit sur eBay, facilement. Alors, ce sera le cinquième point de mon... D'accord. Je t'en prie. Donc, sur PC ou assimilé, soit on trouve des programmes qui fonctionnent à Userland, qui se connectent au maître, et ça fait du genre pour graffer une température. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas top. Parce que genre il utilise le maître pour ça, et puis c'est un peu limitatif. Ensuite, il y a des moyens plus partageuses d'utiliser le bus. Par exemple, OpenBSD a un driver. En fait, il y en a plein. Il y a un driver pour le maître, et ensuite quand on branche des périphériques, il y a un driver qui se met par périphérique. Comme quoi, c'est vachement bien OpenBSD. Voilà. Et pour monitorer une température de frigo, c'est sûr. Et ensuite, il y a la solution que j'utilise moi, c'est OWFS, OneWire File System, que l'on trouve sur le site oneowfs.org, où il y a des photos sympathiques de routeurs Linksys qui ont été modifiés pour avoir en plus un connecteur OneWire intégré, comme quoi c'est pas forcément un PC. Doublé et assimilé de tout à l'heure, qui permet de voir le bus ou les bus, parce que ça gère si on met plusieurs adaptateurs sur le même PC ou assimilé, ça permet de les voir comme un système de fichiers. Par exemple, chez moi, le capteur de température qui permet de monitorer la température dehors, c'est /MNT/OWFS/10.5534 blablabla 00 slash. Les numéros que je viens de donner, c'est l'identifiant du capteur. Et dedans, dans ce répertoire, il y a quelques fichiers. Ça rappelle l'ID, le type. Ça, c'est le type de capteur et son nom. Quand on voit ça, on peut savoir ce que c'est. Du genre, tiens, c'est un thermomètre. On voit si le périphérique est présentement présent ou si il est juste en cache, parce que tout ce logiciel, WFS, gère la mise en cache des trucs, ce qui fait que s'il y a 10 applications qui veulent voir la température, c'est pas la peine de flouder le bus avec ça, ça le garde pendant un petit moment, ou pas. On peut demander à ne pas l'avoir en cache. Il suffit de rajouter uncached dans le nom du répertoire. Et ensuite, il y a un fichier température. Temp high, temp low. Les fichiers temp high et temp low, on peut écrire dedans avec un, avec un simple redirecteur Echo 42, ce qui fait que ça peut faire une alerte, une alarme lorsque la température est trop haute ou trop basse. Et température est un fichier qui, si on le lit, on voit la température du capteur. Ou le nombre de trucs qui ont été comptés, si c'est un compteur ou ça dépend de l'application. L'état des entrées-sorties, par exemple, sur une IO, et il y en a toute une tripotée de ces circuits. C'est pour ça qu'ils sont assez pratiques, il y en a un par usage. Ensuite, dans WFS, il y a un module Perl qui, je ne sais pas si on appelle ça un module, qui permet d'accéder à tout ça directement comme une variable. Enfin, je ne fais pas trop de Perl. Il y a une API Perl directement depuis le... Voilà. Et je crois qu'il y a une passerelle qui permet de passer par Ethernet pour aller les voir, mais bon, j'ai jamais testé non plus. J'utilise juste la partie fichier et comme ça je peux... Enfin, c'est vraiment pratique, on peut dans tous les langages. Enfin, c'est... Alors, ce qui est cool, c'est que plein d'applis peuvent utiliser le bus pour plein de trucs différents, contrairement à un truc en ERS232, où s'il y a une appli A qui cherche à accéder sur le périphérique branché sur le port ERS232, ben, l'autre, elle va devoir attendre que la première est terminée. Tandis que là, ben, c'est mis en cache, il y a une file d'attente, ce qui fait que ça gère plutôt pas mal. Je vais donner quelques exemples. Alors, la température, par exemple, à l'Ozilab, ils sont en train de mettre du OneWire un peu partout dans les murs pour mettre des capteurs de température, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et il y a une chaudière et ça va servir tout ça pour faire un système de vote, pour savoir s'il faut l'allumer ou pas. Ils nous ont concocté un truc quand même assez intéressant, c'est assez fun. Un deuxième exemple, la chaudière est aussi mise en marche via le réseau OneWire, via une entrée-sortie. Deuxième exemple, j'ai un circuit compteur dans le truc que je tiens dans ma main, qui est un compteur Geiger. Ça permet de le monitorer dans Muni directement et voir que, perso, j'ai pas vu que la radioactivité vue par ma fenêtre avait augmenté ces dernières semaines. Alors, je confirme, il a vraiment un compteur Geiger fabriqué à la main sur la table devant le studio, devant moi. Oui, mais c'était juste pour l'exemple. Oui. Et pour éviter que les flics se ramènent, c'est juste une aiguille de réveil. C'est pas dangereux, c'est pas illégal. Et troisième exemple. Tiens, par exemple, j'ai une clé Bluetooth sur mon serveur. Et je voulais voir que... Enfin, je voulais que quand ça me voie mon téléphone apparaître parce que je suis devant la porte de l'immeuble, ça m'ouvre la porte de l'immeuble via la carte d'entrée-sortie, le 8 entrée-sortie DS2408, qui derrière il y a un relais et puis ça c'est relié sur la gage de l'immeuble. Donc en gros, tu te pointes avec ton téléphone dans la poche devant ta porte et la porte s'ouvre. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Ça, c'est parce que je crois que t'as un peu bidouillagé. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, c'est vraiment facile à faire, quoi. Un relais. Le gros problème, c'est qu'il y a les latences du Bluetooth et finalement, c'est plus simple de prendre sa clé. Protocole à la con. Attendez, regardez, ça a marché, mais si, partez pas. Ouais. Non, j'ai testé, ça marche pas mal quand même. Bon, alors le cinquième point, c'est que tout ça, c'est des composants Maxime. Et donc, dès qu'on veut faire quelque chose, il faut les acheter à eux. Et donc c'est pas très... À lui. Non, mais c'est un peu lourd, quoi. Surtout le 24-23 qui ils ont arrêté la fabrication et pourtant c'est un des composants les plus pratiques, celui qui permet de faire compteur. Donc quand on les a sur eBay, bon, c'est un peu cher d'unité, il y en a encore plein en stock, mais bon, on voit que c'est plus fabriqué. Alors étant donné que le protocole est connu et bien expliqué dans les datasheets, voire même il y a une datasheet spéciale du genre regardez le protocole, il est comme ça, si vous voulez refaire des composants, il faut faire comme ça. Il y a possibilité d'émuler les devices slave dans un microcontrôleur via une petite librairie qu'on peut se coder soi-même ou récupérer quelque part pour son langage préféré. Par exemple, sur Atmel ou PIC ou machin, on crée soi-même son petit morceau du genre ça émule un périphérique OneWire. Et comme ça, ben, on met l'identifiant que l'on veut, on fait gaffe parce que du coup c'est pas garanti qu'il soit unique, mais vu que c'est pour soi, ça pose pas de problème. Voir, ça doit être bien sympa de faire ça avec un CPLD ou un FPGA, parce que du coup, on n'a pas de problème de programmation du genre. La différence entre un, je rappelle, la différence entre un microcontrôleur et un CPLD ou un FPGA, c'est que le CPLD ou le FPGA, se programmant en, par exemple, VHDL, il y a moyen d'écrire des circuits. C'est-à-dire, ça fonctionne pas de façon... Il y a deux choses qui peuvent se passer en même temps. On peut même décrire un fil. Tandis qu'un microcontrôleur, ben, les lignes s'exécutent les unes après les autres, et donc il y a forcément des temps de latence, enfin des... le temps de déroulement du programme à gérer. Donc je crois que c'est tout. C'est à peu près tout pour toi ? Voilà. Ah ben, on va se passer une petite pause musicale, non ? Ah oui, tout à fait. Ouais, juste une question. Est-ce que tu as une idée des tarifs de tes trucs et de l'équipement qu'il faut pour pouvoir commencer un petit peu à toucher à de l'OWFS, l'équipement en termes d'équipement physique, machin, faire à souder des trucs, l'équipement informatique matériel et l'équipement informatique logiciel. Tu utilises quoi, toi, à la maison? Alors, j'utilise une Debian. Ah. Quel ou autre, tu peux utiliser n'importe quoi comme Linux, tu compiles. J'ai utilisé l'adaptateur, c'est un DS9490R qui en fait contient le DS9490 qui se branche, c'est une clé USB et derrière il y a un connecteur RJ12, enfin 6P6C, sur lequel il y a, sur deux connecteurs, il y a le One Wire, il y a du 5V, il y a... Ensuite, pour les devices, ça dépend de ce qu'on veut. Par exemple, les thermomètres, je me souviens plus des prix, mais on peut en acheter une dizaine pour 15 euros. D'accord. Enfin, quelque chose comme ça. Et pour le compteur, je crois que j'avais acheté les compteurs pour 8 euros l'unité sur eBay, il me semble. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'ils deviennent un peu rares. C'est d'où le... Il n'y a pas d'autres constructeurs qui ont repris le flambeau derrière pour les trucs J'ai un pas petit chat, ouais. Je pense que dans l'avenir, ce sera plus sympa de les intégrer soi-même dans ces composants via un peu de VHDL ou même dans un microcontrôleur. D'accord. Mais l'avantage, c'est que si on se sert juste des circuits qui ont été prévus au départ, c'est vraiment simple. Il n'y a pas de circuit intégré, de circuit imprimé à faire du genre. Si on veut 10 capteurs de température, il n'y a pas 10 fois de circuit imprimé à faire. D'accord. Ceux qui ont fait du CAN comprendront. Le CAN étant le périphérique de bus, le protocole de bus utilisé dans les voitures. Mmh. J'ai oublié de parler du câble. OneWire utilise une simple paire torsadée, c'est-à-dire j'utilise de la jarretière de téléphone, que j'en ai en rouleau et je le déroule comme ça. Et en fait, il n'y a pas besoin que ce soit du bon câble avec une impédance caractéristique connue. Il faut juste qu'il soit le moins capacitif possible, parce que étant donné que la montée du bus se fait par une résistance de rappel, plus le câble est capacitif et plus ça va être de temps à remonter. Et donc, au bout d'un moment, ben, il remontera pas assez vite. Donc, voilà, câble blindé, tout ça, c'est pas la peine. Juste de la jarretière téléphonique, comme on en met dans les centraux téléphoniques. Là. J'ai eu la chance d'en récupérer un rouleau. Et de fournir l'oscillab. Yeah. Bon, voilà. Un petit peu de musique. Bah, écoute, une pause musicale. Je sais pas si tu t'as, as fait un t'as rien de deux petites minutes parce que j'ai un tout petit agenda de merde. C'est vrai. Par contre, j'ai t'as pas fini ce que je voulais dire dans les news machin. Je vais essayer de publier un résumé, mais ce sera surtout un catalogue de liens. Donc voilà. Un petit peu de musique et on revient sur Radio Campus pour la fin de l'émission Random numéro 40. À tout de suite. À tout de suite. 106.6 FM toujours. Voilà, donc vous venez d'écouter Game Boy Rocket. C'est 8-Bit Weapon qui fait ça. Voilà, et petit coucou c'était... à François qui m'a filé plein de petites playlists, tout ça. Et bah, c'était vraiment bien ça, comme musique là, j'ai vraiment bien aimé. L'agenda qui va être rapide parce qu'il n'y a pas. Bon, si, il y a quand même 2-3 dates sur lesquelles je peux un peu avancer. Je voulais remercier encore une fois CLX pour son super dossier sur le bus OneWire. Bah, ça fait plaisir de rencontrer Martegan dans la rue, par hasard. nous sommes le 5 juin, dimanche 5 juin. Je fais du racolage dans la rue, quand même. Ouais, c'est vraiment... C'est dégueulasse. Du mercredi 8 au vendredi 10 juin 2011, décidément. Fin de semaine. Mercredi prochain jusqu'à vendredi prochain, il y aura donc le symposium sur la sécurité des technologies de l'information et de la communication, le STIC, à Rennes. Donc ça se passera sur le campus de l'université Rennes-Beaulieu Sud, au bâtiment 2A, amphi Louis-Antoine. Toutes les infos sur www.sstic.org/2011. Donc voilà, et puis comme d'habitude, il y aura en fait les présentations sous forme de PDF, je pense, et puis il y aura les actes des conférences sous forme papier pour les personnes qui ont un peu d'argent. Vendredi 10 juin 2011, je l'avais dit tout à l'heure, c'est à partir de 18h, il y aura une soirée punk à la gare Saint-Sauveur avec les concerts de Parabellum, de Toxic Waste et des Burning Heads, ainsi que d'autres groupes locaux. Donc c'est dans le cadre de... c'est les gens de le Carré des Halles, donc le bar emblématique du rock'n'roll là-dedans. Ouais, ça stresse son truc. Du 14 au 17 juin, il y aura Hack in Paris à Disneyland Paris. Ça sera suivi le 18 et le 19 de l'ami du Hack 2011. Prochaine émission random le 19 juin 2011 sur Radio Campus, toujours. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, ce sera le week-end d'inauguration du Wolfsplex, le hackerspace de Charleroi. Et puis, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et dans 15 jours, vous êtes sur Radio Campus, sur 106.6 FM. Ciao. Ciao.